conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, que nous reste-t-il à comprendre ? La connaissance et l'ignorance se tiennent par la barbichette. Ignorer qu'on ignore, c'est ne rien savoir. Mais savoir qu'on ignore, c'est vraiment savoir, car cela suppose de savoir tout ce qui a déjà été établi et d'être capable de détecter ce qui fait encore trou dans la connaissance. C'est pourquoi l'ignorance est la grande affaire des savants. Si cette remarque est si importante, c'est parce qu'il est bien des choses dont nous savons parfaitement que nous ne les comprenons qu'imparfaitement. Veux-tu un exemple ? En voici un. Que connaissent ceux qui fréquentent les déserts. Certaines dunes de sable peuvent chanter. Elles le font en émettant une longue note grave, une note si puissante qu'elle évoque le grondement du tonnerre ou le décollage d'un avion de ligne. La constatation de ce phénomène ne date pas d'hier. Marco Polo et Charles Darwin évoquaient déjà le chant des dunes dans leur récit de voyage, même si bien sûr ils ne le comparaient pas au décollage d'un avion. Marco Polo le décrivit par exemple en ces termes. Les sables qui parfois chantent remplissent l'air avec les sons de toutes sortes d'instruments de musique et aussi avec le bruit des tambours et du choc des armes. Mais comment expliquer pareil phénomène? Qu'est-ce qui rend certains sables musicaux? Et saurait-on simplement dire pourquoi certaines dunes chantent quand d'autres demeurent muettes? Ces questions intriguent et mobilisent les chercheurs depuis très longtemps. Les réponses qu'ils y apportent demeurent incomplètes, elles sont fragiles et donc discutées, même si des progrès récents ont été apportés par Stéphane Douady et ses collaborateurs. Le chant des dunes constitue un problème qui demeure en partie ouvert, au sens où il résiste vaillamment aux tentatives de le clore de façon définitive. De telles situations sont-elles nombreuses ? Quels sont les problèmes scientifiques qui demeurent ouverts, les problèmes sur lesquels on bute depuis longtemps, sans jamais faire de grandes percées, malgré de gros efforts ? Pour discuter de tout cela, j'ai invité David Louapre, bonjour. Vous êtes physicien, vous avez publié en mai 2007 un ouvrage intitulé « Insoluble mais vrai, ces énigmes et casse-têtes qui résistent à la science ». Dans ce livre, on trouve 18 chapitres, et donc 18 énigmes, on pourrait dire. Absolument. Combien est-ce que vous auriez pu en écrire, en plus ? Je pense qu'on pourrait en écrire des centaines. Hein. Tout problème de recherche est un problème ouvert. Et donc, tous les jours, les chercheurs travaillent sur des problèmes de ce genre-là. J'ai choisi ces 18-là parce qu'ils sont soit particulièrement intrigants ou qu'ils ont une importance historique particulière ou ils sont plein d'anecdotes amusantes. Mais on pourrait évidemment en écrire des dizaines. Alors, ce qui m'a impressionné en lisant votre livre, David Louapre, c'est que certains des problèmes concernent la physique, qui est votre métier. Ouais. D'autres concernent d'autres sciences, humaines parfois. Oui, absolument. Ouais. Est-ce que c'est pour vous important de toucher à tout ? Oui, alors pour moi c'est très important parce que bon, voilà, je suis physicien, mais je me suis toujours intéressé à toutes les sciences et en tant que vulgarisateur, j'ai envie de donner l'amour des sciences en général, pas seulement la physique, même si c'est mon domaine de prédilection. Et donc on trouve évidemment des problèmes fascinants, aussi bien en physique, mais aussi en biologie, et puis en linguistique ou en informatique. Donc voilà, c'était important pour moi d'essayer de parler de toutes les sciences, même si c'est pas toujours facile d'aller au-delà de son domaine d'expertise. On va commencer par un problème de physique, justement. On sait qu'il existe des atomes, que la matière est constituée d'atomes. Il y en a 92 qui existent naturellement sur Terre. Ouais. Il y en a d'autres qu'on a pu fabriquer plus lourds grâce à des réactions nucléaires. Mais est-ce qu'on les connaît tous ? Eh ben, on en connaît un certain nombre. C'est le fameux tableau de Mendeleïev hein, que la plupart des lycéens ont vu afficher sur les murs de leur salle de classe. Et aujourd'hui, donc on peut se souvenir grâce à des phrases. Vous citez celle qui permet de retenir la troisième ligne. Oui, alors que d'ailleurs j'oublie. Je vous l'ai dit à chaque fois. Napoléon mange allègrement six poulets sans claquer après. Et voilà, donc ça donne sodium Na, Napoléon, magnésium pour Mg, aluminium, silicium, phosphore, soufre. Chlore et argon. Voilà. Et donc voilà, donc cette classification qu'il y a aujourd'hui, depuis peu de temps, on a officialisé les quatre nouveaux éléments hein, qui vont donc jusqu'au numéro 118. Et une question qu'on peut se poser, c'est où va s'arrêter 118, ce tableau ? Ça veut dire qu'il y a 118 protons dans le noyau ? Voilà, c'est ça. Donc 118, ça veut dire 118 protons dans le noyau et puis 118 électrons en situation normale qui sont autour, même si quand on les fabrique, je pense que c'est pas dans l'état, c'est dans l'état fortement, très fortement ionisé, donc uniquement le noyau. Et on peut se poser la question de jusqu'où on va pouvoir continuer ce petit jeu, parce qu'aujourd'hui, donc, on arrive à fabriquer des nouveaux noyaux en faisant essentiellement des collisions entre des noyaux existants. Et il semblerait que, au fur et à mesure, plus on tape fort, plus on arrive à fabriquer des noyaux lourds. Mais est-ce qu'on va pouvoir aller au-delà de 118 et jusqu'où on va pouvoir aller ? Ça reste un problème ouvert. Le 118, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires qui ont été fabriqués ? Non, alors officiellement, il n'y a que 3 exemplaires qui ont été fabriqués. Je crois 2 l'année 2002 et puis un troisième quelques années plus tard, il me semble. Et donc, voilà, on a réussi à en fabriquer suffisamment pour qu'il y ait un consensus scientifique sur le fait que oui, on a bien créé cet élément. Mais voilà, ça se fabrique pas facilement. Pour qu'on comprenne, sur Terre, l'uranium, qui est le plus lourd, a 92 protons. Ouais. Et donc là, 118, ça veut dire qu'il y en a 26 de plus. Voilà. Ce qui suppose des réactions nucléaires importantes, avec assez des noyaux lourds. On en voit de l'einsteinium, par exemple, qui est l'élément 99 contre autre chose. Voilà, c'est ça, ouais. Et est-ce qu'on peut, par la théorie, par exemple, prédire l'existence de noyaux très très très lourds, beaucoup plus lourds que le 118 ? Alors il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est l'idée de stabilité. On sait que ces noyaux lourds, ils sont instables. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'état naturel, on ne trouve pas au-dessus de 92, parce que tous ceux qui sont au-dessus de 92, donc au-delà de l'uranium, sont trop instables pour qu'ils soient parvenus jusqu'à nous. Alors on sait quand même les fabriquer. On sait fabriquer par exemple du plutonium, mais on sait que le plutonium est radioactif, finit par se désintégrer. Et c'est ce qui arrive de tous ces noyaux que l'on fabrique en faisant des collisions, y compris le numéro 118, dont la durée de vie moyenne est inférieure à une milliseconde, donc enfin la demi-vie en tout cas. Et donc le premier obstacle, c'est celui-ci. On va peut-être arriver à en fabriquer, mais s'ils se désintègrent trop vite pour qu'on les observe, on ne saura peut-être jamais. Peut-être qu'on les fabrique déjà et qu'on n'arrive simplement pas à les détecter. Et puis il y a une deuxième limite plus théorique, où on se demande si finalement on va vraiment pouvoir aller jusqu'à des noyaux aussi lourds qu'on veut, ou en tout cas des atomes aussi lourds qu'on veut. Et donc il y a notamment un petit calcul assez amusant qui a été fait pour la première fois par Feynman, où Feynman observait que quand on a un atome dans un modèle relativement simple mais approximativement assez correct, l'électron qui est le plus proche du noyau, donc celui qui tourne le plus vite, a une vitesse qui est de l'ordre de la vitesse de la lumière multipliée par le nombre de protons divisé par 137. Alors pourquoi 137 ? C'est une constante que les physiciens aiment bien. Enfin, c'est plutôt la constante 1 sur 137, hein, qui est la constante de structure fine, qui caractérise l'intensité de l'interaction électromagnétique. Et donc, si on croit ce petit calcul de Feynman, dont on sait qu'il est approximatif, mais qui donne quand même des ordres de grandeur, au-delà de 137 protons, on serait obligé, en quelque sorte, d'avoir un électron qui va plus vite que la vitesse de la lumière. Et donc Feynman s'était amusé à l'époque à prédire en quelque sorte que l'élément 137 serait le plus lourd qu'on pourrait jamais faire. Bon, alors donc il faut faire des expériences pour répondre à cette question, ça demande des gros moyens. Oui, parce qu'il faut des collisions. Il se peut qu'on n'ait jamais la réponse, donc Oui, quand on voit la vitesse à laquelle on progresse, hein, le 118 a été fait en 2002 et 2005. Depuis, on n'en a pas officialisé de nouveau. Donc voilà, on progresse très lentement. C'est pas tous les 4 matins qu'on crée un nouvel élément, et notamment à cause de ce problème de stabilité. Alors, il y a quand même un petit espoir dans cette quête, c'est que de manière générale, plus les noyaux sont lourds, plus ils sont instables. Mais il y a quand même quelques prédictions théoriques qui vont dans le sens de noyaux lourds qui redeviendraient plus stables. Donc c'est ce qu'on appelle parfois des îlots de stabilité. Et donc il y a des prédictions théoriques qui ont été faites que si on allait vers des éléments avec encore plus de protons, on allait peut-être arriver dans une zone où les noyaux étaient plus stables. Ça ne veut pas dire qu'ils seraient stables et qu'on pourrait les conserver comme on le fait avec les éléments qui nous entourent, hein, mais qui seraient peut-être plus faciles à détecter. Alors si vous voulez bien, David Loeb, on va passer à un autre sujet, une autre énigme, un autre problème non résolu, qui n'a rien à voir avec la physique, quoique. Pourquoi est-ce qu'on dort ? Pourquoi est-ce qu'on dort? Alors ça, c'est quand même une des questions que moi, personnellement, je trouve le plus intrigante, hein, parce qu'on fait ça quand moi, même... Moi, je répondrais parce qu'on a sommeil. Voilà, donc c'est ce que spontanément, on se dit, bah oui, on dort parce qu'on est fatigué. Mais en fait, quand on fait ce raisonnement-là, on s'arrête aux signaux que nous envoie l'organisme. C'est-à-dire, on est fatigué pourquoi? Parce que la fatigue, c'est la manière qu'a notre organisme de nous signaler qu'il a besoin de dormir. Mais ça répond pas à la question de c'est quoi la motivation physiologique. On peut prendre l'analogie avec la nourriture. On pourrait dire on mange parce qu'on a faim. En fait, la raison biologique, c'est que le fait de s'alimenter fournit des nutriments qui sont essentiels au fonctionnement de notre organisme. Donc, dans le cas de l'alimentation, on a compris que c'est pas juste parce qu'on a faim, mais c'est parce qu'il y a une motivation biologique, une raison physiologique derrière. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, en fait, dans le cas du sommeil, on ne connaît pas vraiment cette raison. Et c'est quand même incroyable parce que voilà, nous les êtres humains, on dort à peu près un tiers de notre vie et on ne sait pas pourquoi. Et on est quelque part, on a le doute de savoir si ça sert vraiment à quelque chose. Mais est-ce que le rêve qui se produit pendant le sommeil n'est pas une partie de l'explication? Il faut rêver. Alors oui, alors on a besoin de rêver. Le rêve, c'est quelque chose d'assez intriguant parce que c'est quelque chose. Bon, c'est une expérience qui évidemment est très forte et qui nous intrigue beaucoup nous les humains. Mais déjà, il semblerait qu'un certain nombre d'animaux ne rêvent pas ou rêvent peu. Alors, on peut pas savoir s'ils rêvent, mais en tout cas, la phase de sommeil paradoxal avec toutes ces caractéristiques qu'on sait mesurer, notamment les ondes cérébrales, certains signaux physiologiques. Il y a certains animaux qui sembleraient ne pas avoir de sommeil paradoxal. Et donc, c'est assez intéressant d'essayer de comprendre pourquoi certains animaux rêveraient plus que d'autres. Et il semblerait que nous, les humains, on soit plutôt dans la catégorie haute, hein, notamment chez les plus jeunes, hein, les bébés, hein, qui peuvent rêver une grande partie de leur temps de sommeil. Mais est-ce qu'on sait à quoi ils rêvent, sachant qu'ils ont peu d'expérience? Voilà. Alors non, on sait pas évidemment à quoi ils rêvent. Et donc il y a une théorie qui est assez intéressante, hein, qui a été proposée par Michel Jouvet, qui est de dire que finalement le rêve, ça serait un peu l'équivalent d'un simulateur de vol pour un pilote d'avion. C'est-à-dire c'est un moyen de s'entraîner à la vie sans en prendre les risques. Donc finalement le rêve, ça serait se remettre soi-même dans des situations qui correspondent à notre expérience un peu quotidienne et de permettre d'entraîner notre cerveau à ces situations tout en étant finalement que dans une simulation. Donc le rêve ne serait qu'une sorte de simulateur de vie. Et si on regarde les animaux, est-ce qu'il y a une corrélation entre la taille ou le poids des animaux et la durée du sommeil? Alors il y a deux choses qui sont intéressantes sur le cas du poids. Donc une chose qu'on remarque, c'est que plus les animaux sont gros, moins ils dorment. Alors le record est du côté des éléphants qui dorment 2 à 3 heures seulement par jour, alors que par exemple les chauves-souris peuvent dormir très très longtemps, presque toute la journée. Donc ça, c'est un premier indice qui est assez étonnant du point de vue des animaux, parce que ça nous montre qu'il doit quand même y avoir un lien avec le métabolisme. Et l'autre signal intéressant, pour revenir à la question du rêve, c'est qu'on remarque que donc tous les animaux ne rêvent pas ou ne rêvent pas de la même durée, et donc notamment l'observation à l'appui de cette thèse du simulateur de vie, c'est que les animaux qui naissent en étant déjà bien développés, visiblement, ont très très peu ou pas de sommeil paradoxal, alors que nous, les humains, qui naissons dans un état pas du tout mature, hein, il s'écoule beaucoup de temps entre la naissance et puis le moment où on est à l'âge adulte, ceux-là rêvent beaucoup. Donc ça irait dans le sens de dire le rêve, ça permet à ces espèces qui naissent peu développées de s'entraîner au maximum pour progresser vers l'état de maturité. Alors ça, c'est pour donc le sommeil qui reste très bizarrement un mystère. Moi, je pensais que tout ça était fort compris, ben, je découvre que non. Autre surprise en vous lisant, je la connaissais un peu, mais pas sa gravité. D'où vient la langue basque? Ouais. Alors, c'est une langue isolée, c'est-à-dire qu'on ne lui connaît pas d'ancêtre, elle ne s'est pas propagée dans l'espace. Non, alors on ne lui connaît ni ancêtre, ni cousin même, hein, du coup. Et donc, en quoi c'est un mystère? C'est un mystère parce que pour toutes les langues qui nous entourent, on arrive à faire des relations de parenté, un peu comme dans un arbre généalogique ou dans un arbre phylogénétique, pour reprendre une analogie avec le monde du vivant. Donc, par exemple, on sait que le français est proche de l'italien, de l'espagnol, l'anglais est proche de l'allemand. Et ces relations de proximité, non seulement on les connaît, mais en plus on les comprend parce que dans ces relations de proximité, une idée d'ancêtre commun, de langue commune qui existait avant et qui s'est ensuite différenciée. Et donc, on joue avec les langues au même jeu qu'on pourrait jouer avec des espèces humaines ou un arbre généalogique, c'est-à-dire qu'on essaie de tracer un arbre des langues pour repérer un peu à la fois les relations de parenté, les langues communes, etc., les langues qui ont des origines communes. Et très bizarrement, pour le basque, ça marche pas du tout. C'est-à-dire que on ne lui connaît aucune langue proche. C'est-à-dire qu'on compare le basque avec toutes les langues qu'on connaît. Et le basque ne ressemble à rien de connu. Et de fait, on n'arrive pas vraiment à comprendre son origine généalogique, en quelque sorte. C'est-à-dire essayer de retrouver quel serait l'ancêtre de cette langue mystérieuse. Mais quand vous dites qu'elle ne ressemble à aucune langue connue, vous parlez de son vocabulaire ou de sa façon de conjuguer ? Alors, en général, quand on parle de relations comme ça, on regarde effectivement deux choses. On regarde le vocabulaire et puis on se base aussi un peu sur les structures grammaticales. Alors, sur le vocabulaire, bon, c'est assez classique, hein. On retrouve des mots quand des langues sont proches ou apparentées. Il y a des mots qui se ressemblent, hein. L'exemple typique, par exemple, c'est le mot nuit, qu'on va dire night en anglais, nart en allemand, etc. Donc, ça trahit une origine commune. Le basque, il n'y a pas du tout ça. C'est-à-dire que les mots basques, on n'arrive pas à les apparenter phonétiquement avec des mots d'autres langues. Et puis aussi dans le basque, il y a des choses très étranges qui sont liées à la structure grammaticale de la langue, la manière dont on conjugue les verbes, par exemple. Par exemple, en français, quand on va conjuguer un verbe, la conjugaison va se faire en fonction du sujet du verbe. Et donc, il y a certains cas dans le basque où on va conjuguer le verbe aussi en fonction du complément, ce qui est quelque chose qui existe dans certaines langues, quelques langues, mais qui est quelque chose d'assez rare. Et alors, les langues dans lesquelles on retrouve cette structure grammaticale un peu bizarre, ont semble-t-il aucune relation avec le basque. On retrouve ça dans certaines langues mayas, par exemple, ou dans des langues parlées en Ouganda. Et donc voilà, c'est un mystère comme ça d'essayer de comprendre quelles pourraient être les relations entre le basque et les autres langues. Et alors, pour donner un exemple que vous citez, quand je dis « j'ai mangé la pomme », la façon de dire « je » n'est pas la même en basque que lorsque je dis « je suis grand ». Voilà, alors ça c'est une autre particularité qui sont liées aux pronoms qu'on utilise suivant que le verbe est transitif, c'est-à-dire qu'il va avoir un complément comme « j'ai mangé la pomme » ou bien intransitif. Et donc c'est pareil, c'est quelque chose qui est quelque chose d'assez typique du basque et qu'on ne retrouve pas dans d'autres langues. Donc outre le fait qu'on ne lui connaît pas de relation de parenté, c'est en plus une langue assez singulière. Mais est-ce qu'on connaît d'autres langues isolées ? Alors, on connaît quelques langues isolées, on connaît des groupes de langues qui sont aussi assez déconnectées des autres. Alors, l'exemple classique en Europe, c'est ce qu'on appelle les langues finno-ougriennes. Alors, les langues finno-ougriennes, c'est le hongrois, le finlandais et l'estonien, plus quelques autres. Et ces trois langues-là, en fait, sont apparentées, ce qui est assez étonnant, parce que c'est quand même des régions un petit peu éloignées. Et par contre, elles sont complètement différentes des autres langues qu'on trouve en Europe, hein, qui sont apparentées à la famille des langues indo-européennes. Et donc ces trois langues sont proches les unes des autres, mais complètement déconnectées, semble-t-il. On ne connaît pas en tout cas la relation avec les langues indo-européennes. Donc ça fait un deuxième mystère. Oui. On ne va pas passer les 18, hein, on n'aura pas le temps, mais on va essayer de se concentrer sur certains qui sont particulièrement intrigants. Par exemple, en mathématiques, il y a plusieurs exemples que vous donnez dans le champ des mathématiques, hein, qui concerne ce qu'on appelle le théorème de la fin heureuse. Oui. C'est pas facile à expliquer à la radio parce que ça relève plus. Voilà, il faut faire des dessins, il faut dessiner des polyèdres et on va pas pouvoir le faire au micro, mais il y a des choses assez simples à raconter autour de cela. C'est comment est-ce qu'on peut tracer des polyèdres qui soient convexes? C'est ça. Donc, faut déjà expliquer ce que c'est qu'un polyèdre convexe. Alors, un polyèdre. Je laisse faire. Ouais, alors, on va essayer, on va relever le défi. Un polyèdre convexe. Donc, un polyèdre, c'est quoi? C'est une figure avec des côtés qui sont droits, on va dire, pour faire simple. Et un polyèdre convexe, c'est un polyèdre dans lequel, si je prends deux points du polyèdre et que je tire une ligne entre les deux, cette ligne est entièrement contenue dans le polyèdre. Elle ne coupe pas un autre côté. Et elle ne coupe effectivement aucun côté. Par exemple, les figures naturellement qu'on a envie de tracer sont souvent convexes. Si je trace un triangle, c'est convexe, un carré. Mais on peut s'amuser, par exemple, à prendre quatre points et à les placer dans une structure un peu en chevron. Et là, on se rend compte qu'on crée un polyèdre qui n'est pas convexe. C'est-à-dire qu'on peut trouver deux points qui, si on tire un trait entre les deux, vont être complètement à l'extérieur de la figure. Alors on peut se demander qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Et donc les mathématiciens se sont posé des questions pour savoir si je prenais un nuage de points, donc je mets des points un peu au hasard sur une feuille, et combien il faut que j'en mette pour être sûr de pouvoir trouver un polyèdre convexe dans le tas. Dépend du nombre de côtés qu'on veut. Alors voilà, ça dépend du nombre de côtés qu'on veut. Et en fait, plus on veut de côtés à notre polyèdre convexe, plus il faut mettre de points dans notre nuage pour être sûr que ça marche. Et donc voilà, il y a des conjectures. Alors ça paraît assez simple parce qu'on peut assez facilement tracer les choses, essayer de trouver des contre-exemples. Par exemple, si je trace 5 points, je suis sûr de pouvoir tracer un quadrilatère. Un quadrilatère convexe, absolument. Ouais. Donc, c'est assez amusant parce que Donc en n égale 4, la solution du problème, c'est 5. C'est 5, il faut au moins 5 points pour être sûr de pouvoir le faire. Et ce qui est très drôle, en fait, quand on lit ces problèmes, c'est que sur le coup, on se dit « Oh, mais ça doit être faisable de trouver un contre-exemple. » Alors, on commence à prendre son crayon et puis à essayer de dessiner, essayer de placer 5 points. Donc voilà, je vous invite à essayer de le faire. Hein. Essayer de mettre 5 points de sorte qu'on n'arrive pas à trouver un polyèdre, enfin un quadrilatère convexe. Et en fait, si ça marche, ça marche toujours. On finit toujours par en trouver. Et alors, si on prend plus que 4 côtés ? Alors, si on prend plus que 4 côtés, il y a ce qu'on appelle une conjecture, c'est-à-dire qu'il y a des mathématiciens qui ont étudié le problème et puis qui ont deviné ce qui leur semblait être la solution. Donc, il y a une formule pour ça, hein, que je ne connais pas par cœur. 1 plus 2 puissance n moins 2. Voilà, merci. Je l'avais écrite. J'ai lu dans votre livre. Mais je l'ai oublié. Et donc, les mathématiciens ont fait une conjecture. C'est-à-dire, ils ont dit, à notre avis, ça doit être ça la réponse, mais ils ne savaient pas le démontrer. Et donc, aujourd'hui, c'est un problème ouvert. C'est-à-dire que, voilà, il y a des gens qui essaient de prouver que ce résultat est correct. Et pour l'instant, personne n'y arrive. Alors, c'est relativement anecdotique, parce que le jour où on arrivera à le prouver, ça va peut-être pas changer la face du monde, mais ça reste un problème intrigant, parce qu'il est relativement simple à poser, et les matheux quand même se cassent. Alors, cette conjecture, ou ce théorème, avec ça deviendra peut-être un jour un théorème, peut-être. S'appelle le théorème de la conjecture heureuse. C'est le nom que lui a donné Paul Erdős, grand mathématicien hongrois. Pourquoi ? Alors, c'est parce qu'il travaillait avec deux collaborateurs, enfin un collaborateur et une collaboratrice. Et en fait, après avoir résolu alors une conjecture en fait plus faible que celle-ci, se sont retrouvés à se marier. Et donc, Paul Erdős, qui est un des grands mathématiciens. La jeune femme s'appelait Klein, vous auriez pu le dire. Ah, c'est vrai. J'ai raté l'occasion. C'est le moment d'écouter le premier morceau de musique que vous avez choisi, David Louapre. Il s'appelle Race for the Price, c'est Race ça Race for the Price. C'est un groupe ça. Américain. C'est un groupe américain qui s'appelle les Flaming Lips. David Louapre, comment s'appelle ce groupe ? Alors, ce groupe s'appelle The Flaming Lips. C'est un groupe d'Oklahoma City aux États-Unis. Et donc, c'est un groupe que j'aime beaucoup, qui fait du rock un peu psychédélique. Et notamment, j'aime beaucoup le disque dont est tiré le morceau qu'on vient d'entendre, parce que c'est un disque qui parle pas mal de science. Alors, c'est un groupe qui n'a pas spécialement de racines scientifiques, on va dire. Hein. Et notamment, ce morceau donc, s'appelle Race for the Price. Le groupe s'appelle Flaming Lips. C'est ça, ouais. Et donc, Race for the Price, ça raconte l'histoire de deux scientifiques qui se tirent un peu la bourre et qui en même temps travaillent un peu ensemble pour essayer de faire une découverte. Alors, la chanson est un peu impressionniste, donc on ne sait pas très bien exactement ce que c'est que cette découverte. Mais voilà, je trouvais ça amusant. C'est pas souvent que les chansons parlent de science comme ça. Justement, c'est l'histoire de scientifiques. Là, il y en a deux qui collaborent. Et dans votre livre, où vous parlez de problèmes qui résistent aux tentatives des chercheurs pour les résoudre, il y a celui qu'on appelle le problème du repliement des protéines. Ouais. Comment est-ce que les protéines trouvent leur forme ? Ouais. Et c'est un problème qui a été en partie résolu grâce à la collaboration de gens qui ne sont pas des biologistes. Oui, alors ça, c'est un exemple assez étonnant de science collaborative à très grande échelle. Donc, pour expliquer un peu quel est ce problème, les protéines, donc, c'est des molécules très complexes, hein, qui sont un peu les chevilles ouvrières de tout ce qui se passe dans les organismes. Donc, on en connaît plusieurs dizaines de milliers. Et la manière dont une protéine va agir, c'est-à-dire la manière dont elle va fonctionner, sa fonction biologique, est très liée à sa forme. Les protéines, c'est un peu comme des mini mi-machine moléculaire, on pourrait dire. Et donc, il y a un problème important qui est de comprendre qu'est-ce qui donne aux protéines leur forme, et notamment comment elles trouvent leur forme. Parce que quand les protéines sont fabriquées par nos organismes, elles sont fabriquées sous forme d'une chaîne, un peu comme un long collier de perles, donc on enfilerait des perles les unes après les autres. Et une fois que les perles ont fini d'être enfilées et qu'on a une longue chaîne comme ça, il se produit un espèce de petit miracle qui est que la protéine se replie et prend sa forme définitive, qui est une forme tridimensionnelle qui peut être très complexe. Et on ne comprend pas comment les protéines font pour trouver leur bonne forme, et on ne sait pas non plus prédire à l'avance quelle forme elles vont prendre. Et prédire à l'avance la forme des protéines serait un outil absolument exceptionnel pour faire des progrès en biologie et en médecine, parce que ça permettrait de mieux comprendre les mécanismes et de pouvoir concevoir des médicaments, par exemple, qui pourraient agir par complémentarité avec certaines de ces protéines. Donc c'est vraiment un problème à la fois très compliqué et avec une importance technologique très importante, mais on ne sait pas. Ce qui est fascinant, c'est quand on regarde une protéine, il y a un nombre astronomique de manières dont elle pourrait se replier, et il semblerait que elle finit quand même par trouver. Mais est-ce qu'il suffit pas de dire qu'elles vont minimiser leur énergie ? Alors voilà, c'est le principe un peu général qui gouverne beaucoup de phénomènes en physique, c'est que les objets physiques ont souvent tendance à essayer de minimiser leur énergie, et donc une protéine minimise son énergie en se repliant. Donc la question, c'est de savoir, parmi toutes les formes qu'elle pourrait adopter, encore une fois, il y en a un nombre astronomique, quelle est celle qui permet de minimiser son énergie ? Alors, astronomique parce qu'il y a beaucoup d'atomes dans ces protéines. Voilà. Donc en fait, je faisais un peu l'analogie avec un collier de perles. En fait, les perles dans ce cas-là sont les acides aminés, et donc il peut y avoir plusieurs milliers d'acides aminés dans une protéine. Donc ça correspond à un nombre astronomique de manières de se replier. Et donc en fait, depuis longtemps, les chercheurs ont essayé de faire ça, par exemple avec des simulations informatiques. C'est-à-dire, on simule des formes, on essaye de voir comment minimiser cette fameuse énergie. Et puis, il y a quelques années, il y a un labo qui a une idée assez exceptionnelle. En fait, l'idée, c'est de demander à des gens d'essayer de minimiser l'énergie des protéines en les faisant jouer sous forme d'un jeu collaboratif sur Internet. Donc c'est assez étonnant parce que les gens qui jouent ne sont pas du tout des biologistes. Et en fait, le principe, en gros, c'est que n'importe qui peut avoir la protéine devant soi, essayer de la replier, et puis un algorithme calcule l'énergie. Calculer l'énergie, c'est pas un problème. Ce qui est compliqué, c'est de trouver la forme qui va donner l'énergie la plus faible. Donc l'algorithme calcule l'énergie, et puis les gens, comme ça, sur leur interface web, tordent les protéines dans tous les sens et essayent de trouver la forme. Donc on les utilise comme manipulateurs de forme. Voilà, exactement. Et en fait, on les utilise comme algorithme intelligent, en quelque sorte, pour essayer de trouver cette forme d'énergie minimale. Et alors après, il y a des fonctionnements sous forme de duel, par exemple. Alors on met une protéine milieu, et puis il y a deux joueurs qui s'affrontent pour essayer de trouver la forme qui va minimiser l'énergie. Et alors, ce programme s'appelle Fold It. Ça s'appelle Fold It, ouais, ça veut dire repli là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a des cas qui ont été effectivement résolus par les joueurs de Fold It, où on a réussi à trouver les formes de certaines protéines qu'on n'arrivait pas à trouver par les méthodes classiques. Or, il y a déjà eu des prix Nobel attribués à des chercheurs qui avaient compris la forme de certaines protéines particulières. Voilà, absolument. Donc, comme je disais, comprendre la forme des protéines, c'est un problème extrêmement important pour la biologie et la médecine. Et donc, une autre manière de faire, c'est d'essayer d'observer tout simplement la forme d'une protéine. Mais c'est très, très compliqué. Il faut se mettre dans des conditions expérimentales très particulières. Et donc, il y a un certain nombre déjà de prix Nobel qui ont été donnés pour l'observation, pour les gens qui avaient réussi à observer la structure tridimensionnelle Mais quelle morale vous tirez de cette histoire ? Le fait que des gens non compétents mais joueurs résolvent des problèmes que des prix Nobel ne parviennent pas à résoudre tout seuls. C'est plutôt un. Alors, on a beaucoup disserté sur cette fameuse intelligence des foules. C'est probablement un concept qu'il faut être prudent de ne pas forcément le décliner à toutes les sauces, mais on voit que il y a des situations où effectivement beaucoup de gens joueurs arrive à résoudre ce problème. Et ça montre aussi que, mine de rien, l'être humain a quand même encore quelques coups d'avance sur les meilleurs algorithmes aujourd'hui, même si on sent que ça se restreint, mais sur des problèmes très complexes qui nécessitent une vision intégrée d'une situation complexe, parce que là, en fait, là où l'être humain est plus fort que les algorithmes sur ce type de repliement, c'est être capable de faire des repliements assez complexes qui vont vraiment complètement modifier la structure de la protéine, et les algorithmes ont un peu du mal à faire ça, ils restent sur des choses un peu de proximité, alors que l'être humain a cette capacité à embrasser le problème dans sa globalité et à essayer du coup de faire des coups, entre guillemets, que l'ordinateur n'arrive pas encore à voir, même si c'est peut-être des choses qui vont évoluer. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Je vous propose, David Loap, que nous fassions un saut quantique pour passer de la biologie, qui est le problème qu'on vient d'évoquer, à un problème de mathématiques. liée au nombre pi. Est-ce que pi est un nombre univers, c'est-à-dire est-ce que pi contient tout? Alors dans un sens qu'on va définir. Voilà, oui. Mais ce qui est certain, c'est qu'il contient déjà beaucoup de choses. Par exemple, votre livre est contenu dans pi. On pense que ce livre est contenu dans pi. Ouais, il y a une suite finie de caractères qu'on peut coder par des chiffres. Oui. Et ces chiffres se retrouvent quelque part dans la façon d'écrire pi, 3, 14 et un nombre infini de décimales. Voilà, ce qu'il faut voir, c'est que pi donc, a un nombre infini de décimales. Et ce qui est conjecturé, donc on ne sait pas encore prouver, mais on pense que c'est vrai, c'est que dans cette suite infinie de décimales, on peut trouver n'importe quelle suite finie de chiffres. Donc voilà, si on prend par exemple ma date de naissance... C'est sûr qu'elle y est. C'est sûr qu'elle y est. Alors, en l'occurrence, je ne sais plus si je l'avais cherché, il me semble qu'on la trouve. Alors, il faut être prudent quand on dit c'est sûr, puisque c'est une conjecture, mais en même temps, visiblement, personne n'en doute vraiment. Pour la date de naissance, on peut vérifier. Pour la date de naissance, voilà, il n'y a pas forcément besoin d'aller très très loin. Mais là où ça devient très intriguant, c'est qu'on dit, par exemple, on prend un livre, effectivement, on le transforme en une suite de chiffres, hein, ce qui ne pose pas de problème, c'est ce qui est fait dans un fichier informatique. A, c'est 1, B, voilà, c'est par 2. Exemple, et on va jusqu'à 26, on peut rajouter les, 0. On peut rajouter les ponctuations, il n'y a aucun problème. Donc, on pourrait transformer mon livre ou bien Le Seigneur des Anneaux en suite de chiffres, une suite finie. Et d'après la conjecture, si c'est une suite finie de chiffres, elle est quelque part dans les décimales de pi. Il faut certainement aller très très très très loin, mais ça y serait quelque part. Mais est-ce qu'on pense pouvoir le démontrer ? Alors ce qui est assez intriguant avec ce résultat, c'est que donc ces nombres qui contiendraient dans leurs décimales n'importe quelle suite finie de chiffres, on les appelle les nombres univers. Et on soupçonne que les nombres univers, il y en a un très grand nombre, voire même dans un sens qu'il faudrait préciser que la plupart des nombres réels sont des nombres univers. Et pourtant, il n'y en a aucun dont on soit sûr qu'il le soit avec certitude. Alors, à quelques exceptions... On sait qu'il y en a, mais on ne sait pas lesquels. Voilà, on sait qu'il y en a, on sait qu'il y en a beaucoup, on sait même que majoritairement, les nombres réels sont des nombres univers. Mais en particulier, il n'y en a aucun pour lequel on arrive à le démontrer avec certitude. Mais ça doit rendre fou, ça, non? D'être sûr qu'il y en a et de pas pouvoir les reconnaître. Eh ben, oui, j'imagine que les mathématiciens qui travaillent sur ce sujet-là, je sais pas s'ils sont nombreux d'ailleurs, ça reste un sujet peut-être un peu. Alors, pour rester dans les mathématiques, il y a un autre problème vertigineux concernant les nombres premiers. Oui. Bon, ça, c'est un problème fascinant depuis très longtemps, mais par exemple, il y a la question des nombres jumeaux, des nombres premiers jumeaux. Est-ce qu'il y a un nombre infini de paires de jumeaux premiers, c'est-à-dire de nombres premiers, dont la différence est égale à 2, comme 5 et 7, ou 17 et 19 voilà. Après, ça doit être... Il faut aller à 29-31, peut-être. 29-31, etc. Voilà. Et est-ce que ce genre de couple existe en nombre infini ou pas? Alors voilà, donc aussi loin qu'on en cherche, on en trouve. Et la plupart des mathématiciens pensent que effectivement, il existerait un nombre infini de couples de nombres premiers jumeaux, mais ils n'arrivent pas à le démontrer. Alors c'est assez intriguant parce que par exemple, démontrer qu'il existe un nombre infini de nombres premiers, ça c'est relativement facile. C'est quelque chose qu'on peut faire avec des mathématiques de niveau lycée. Ça se fait en quelques lignes. Donc démontrer c'est connu depuis très longtemps. Oui, c'est connu depuis très longtemps. Donc démontrer qu'il y a une quantité infinie de nombres premiers, aucun problème. Démontrer qu'il y a une quantité infinie de paires de nombres premiers jumeaux, là tout de suite on est face à un mur. Et voilà, aujourd'hui tous les mathématiciens pensent que c'est vrai, personne ne sait le démontrer. Alors on peut étendre le problème à des nombres premiers dont la différence est égale à n, voilà. N étant un nombre entier quelconque. Voilà. Et il y a un monsieur dont nous a parlé à ce même micro il y a quelque temps, Cédric Villani, qui s'appelle, c'est un nom chinois, Yitang Zhang, ouais. Qui était obscur. Hein, il donnait des petits cours à l'université sans faire de recherche officiellement. Il était officiellement chercheur. Et puis, à un certain âge, une cinquantaine d'années, je crois. Oui, il a démontré qu'il existait une infinité de paires de nombres premiers séparés de moins de 70 millions. Oui. Alors ça c'est assez étonnant. Et il est devenu célèbre. Parce que donc ces conjectures, elles se déclinent pour un certain nombre d'intervalles, donc des nombres premiers séparés de 2, 4, etc. Donc on a un certain nombre de conjectures qui sont un peu les équivalents de la conjecture des nombres premiers jumeaux, et on pense qu'elles sont toutes vraies. On sait, pour aucune de ces conjectures, on sait démontrer que c'est vrai. Et ce qu'a montré Yitang Zhang, c'est que parmi toutes ces conjectures, en dessous de 70 millions, il y en a au moins une qui est vraie. Encore une fois, on pense qu'elles sont toutes vraies. Ce que montre Zhang, c'est juste, entre guillemets, qu'il y en a une parmi toute celle de 2 à 70 millions qui est vraie, et il ne dit pas laquelle, enfin il ne sait pas laquelle. Mais il montre et quelle est la complexité de la démonstration? Est-ce qu'elle est accessible ou est-ce que c'est infernal? Ah non, c'est infernal. Si c'était simple, on a envie de penser qu'elle aurait été trouvée. Non mais parfois il y a des démonstrations qui se simplifient au cours du temps, c'est-à-dire la première version est très difficile et puis on trouve des façons plus directes. Alors là il y a une chose assez intéressante justement, on parlait de sciences collaboratives tout à l'heure qui a été faite, c'est-à-dire que donc Zhang a dit, démontré que parmi toutes celles en dessous de 70 millions, il y en a au moins une de vraie. Et à partir de ce moment-là, il y a un certain nombre de mathématiciens du monde entier qui se sont alliés pour essayer d'améliorer un peu ce résultat. Et ils ont réussi, notamment en utilisant Internet, ils ont réussi à descendre la limite à 200 ou 246. Et là encore, il y a un exemple de science collaborative entre mathématiciens. Absolument. Et c'est assez fascinant de voir. Et ça a été assez vite. J'ai plus les chiffres en tête, mais en l'espace de quelques mois, ils se sont emparés du résultat, pas dans un sens négatif, quand je dis emparés, évidemment. Et puis, en travaillant tous ensemble, ils ont réussi à améliorer beaucoup le résultat. Est-ce que vous pensez qu'il y aura beaucoup de démonstrations comme ça qui vont mobiliser beaucoup de chercheurs par le biais d'Internet ou des jeux vidéo, comme c'était le cas pour les protéines? Est-ce que ça va devenir une nouvelle façon de faire de la recherche? Ça va probablement l'être pour certains types de problèmes. Certains types de problèmes vont peut-être se prêter à ce genre d'approche. Il y a certainement beaucoup de problèmes pour lesquels ça ne sera pas forcément de la science collaborative à grande échelle. Par contre, ce qui est à peu près certain, c'est que c'est souvent des petits pas, des briques qui sont ajoutées les unes après les autres. Ça sera probablement peu de cas où il y ait un éclair de génie d'un solitaire qui résout le problème tout seul d'un coup, même si ça peut arriver. Alors, David Louapre, on a dit qu'on n'aurait pas le temps de parler de tous les problèmes que vous évoquez, et encore moins de ceux que vous n'évoquez pas. Mais il y a ce fameux problème de la turbulence, qui est quand même aussi vieux que le 19e siècle à peu près. On a des équations qui écrivent l'écoulement, enfin qui permettent de comprendre l'écoulement des fluides. Mais il y a certains phénomènes qui ne sont pas compris, notamment ce qu'on appelle la turbulence. Voilà. Donc la turbulence, c'est ce qui se passe dans certains fluides, quand les fluides basiquement se mettent à tourbillonner. Donc c'est pas quelque chose de systématique. Ça marche pas avec l'huile. Voilà. Par exemple, si je prends de l'huile et que je la verse d'une bouteille dans un verre, on a un bel écoulement qui est bien calme, dans lequel on ne voit pas de tourbillon. Et ça, c'est lié à plusieurs choses. C'est lié au fait que on fait couler l'huile par une ouverture qui est relativement petite, le goulot de la bouteille, et l'huile est un fluide visqueux, donc qui reste bien ordonné. Si je prends un autre exemple à l'opposé, si je prends par exemple un fleuve qui s'écoule par exemple au voisinage des piles d'un pont, là c'est complètement l'inverse. On a un fluide qui est peu visqueux, c'est de l'eau, et puis qui parcourt des grandes distances à des vitesses assez élevées. Et là, qu'est-ce qui se passe quand on regarde ça? On voit qu'il y a plein de tourbillons partout, des grands tourbillons, des petits tourbillons, des tourbillons qui se divisent. Et ce qui est fascinant, c'est que au niveau fondamental, on a des équations, donc c'est les fameuses équations de Navier-Stokes, qui décrivent le comportement des fluides. Et ces équations semblent fonctionner très bien, mais on est incapable de comprendre ce phénomène de tourbillon, donc qu'on appelle la turbulence, à partir des équations de Navier-Stokes. Mais pourtant, ces équations dites de Navier-Stokes, du nom des deux physiciens qui les ont écrites, c'est des équations qui disent simplement ce qu'on sait depuis Newton. C'est que la force et la masse par l'accélération appliquées à des milieux qu'on appelle les fluides. Exactement, oui, Navier-Stokes, alors c'est une équation qui peut être un peu repoussante quand on la regarde comme ça, mais finalement c'est ça, c'est exactement cette équation qu'on apprend au lycée, que la somme des forces égale MA, donc c'est ça pour les fluides. Et c'est une équation qui décrit les choses d'un point de vue assez, on va dire, microscopique, c'est-à-dire que c'est une équation qui décrit la vitesse en chaque point du fluide. Mais on n'arrive pas à passer de cette équation à des phénomènes macroscopiques qu'on observe tous les jours, qui est que l'eau, quand je la fais couler dans mon robinet ou quand je regarde la Seine, l'eau tourbillonne. Et ça, on n'arrive pas à comprendre comment on passe de l'un à l'autre. Et surtout, on n'arrive pas à comprendre, il y a des effets de seuil. C'est-à-dire que on peut avoir un fluide qui, à une certaine vitesse, ne tourbillonne pas. Et puis, quand on passe une vitesse critique, et ça se fait assez rapidement, se met à tourbillonner. Et donc, il y a une espèce de limite comme ça, qui est liée à ce qu'on appelle le nombre de Reynolds. Donc, quand on voit un écoulement d'un fluide, on peut calculer le nombre de Reynolds. Et on sait, je schématise, mais qu'en dessous d'un nombre de Reynolds de 2000, il n'y aura pas de turbulence. Et au-delà, il y aura de la turbulence. Et on ne sait pas d'où sort ce nombre. Pourquoi 2000 et pourquoi pas 10 millions? Et en théorie, ça devrait découler des équations de Navier-Stokes, mais personne ne sait le montrer. Mais est-ce qu'on comprend pourquoi le problème n'est pas résolu? Est-ce qu'on sait dire d'où vient la difficulté? Est-ce qu'il serait déjà un premier pas? Alors, on comprend une partie de la difficulté du fait que, finalement, la turbulence, c'est un phénomène qui est chaotique. qui est aussi ce qu'on appelle non linéaire. Alors non linéaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'équation de Navier-Stokes, à un moment donné, j'ai dit qu'elle portait sur la vitesse, et il y a un moment donné où dans l'équation, on multiplie la vitesse par elle-même. Donc on a en quelque sorte un terme où c'est la vitesse au carré. Et quand on a ça dans les équations, c'est tout de suite un cauchemar, mathématiquement parlant, parce que ça complique beaucoup, beaucoup les équations. Si je fais la comparaison avec les équations qu'on utilise pour propager des ondes lumineuses ou pour propager la chaleur, c'est des équations qui sont linéaires, donc qu'on comprend bien, qui ne posent pas de problème, qu'on sait résoudre. L'équation de Navier-Stokes, elle est non linéaire, et donc c'est la cause de ces problèmes physiques qu'on n'arrive pas à comprendre, et c'est aussi un bon casse-tête pour les mathématiciens, à tel point que ce problème de physique, en fait, enfin de mathématiques physiques, fait partie des quelques problèmes dits les problèmes du millénaire, pour lesquels la Fondation Clay a promis $1 million à celui qui apportera une réponse satisfaisante. Donc voilà, comprendre la structure des solutions de l'équation de Navier-Stokes fait partie de ces problèmes à $1 million. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent? Alors, est-ce qu'ils le font par intérêt pour le problème ou pour les dollars? Alors, je pense que la plupart, c'est par intérêt pour le problème. De toute façon, l'espoir de le résoudre est tellement mince. Mais alors, il y a une personne qui paraîtrait-il travailler dessus, c'est Grigory Perelman, qui est connu puisqu'il est le seul qui, pour l'instant, a réussi à faire tomber un des 7 problèmes du millénaire. Donc, il n'y en a plus que 6. Conjecture de Poincaré. Voilà, donc il a fait tomber le problème de la conjecture de Poincaré. Et voilà, ce qui se murmure, alors c'est quelqu'un d'assez excentrique, donc on ne sait pas exactement ce qu'il fabrique. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne le fait pas pour l'argent. Ah non, lui, il a déjà refusé les prix. Voilà, lui, il a refusé le prix, il a refusé la médaille Fields, il a refusé le $1 million pour la conjecture de Poincaré. Voilà. Et donc, il paraîtrait-il qu'il travaillerait maintenant sur Navier-Stokes. Donc, il veut battre le nombre de records de prix refusés. Ouais, il l'a déjà. On va peut-être écouter le deuxième morceau de musique que vous avez choisi, David Loapre, plus connu, en tout cas de moi, Led Zeppelin. David Loapre, vous avez choisi Still Loving You, Led Zeppelin. C'est pas votre génération pourtant. Non, pas vraiment. Non. Alors oui. Pourquoi? Alors il y a deux raisons. La première, c'est que je joue de la guitare et que ce morceau a longtemps représenté pour moi un peu le but à atteindre, parce qu'il y a des parties de guitare qui sont vraiment superbes. Puis voilà, à un moment donné, à force de travailler, j'ai fini par arriver à jouer ce morceau. Et c'est à ce moment-là où j'ai arrêté de progresser à la guitare, parce que j'avais l'impression que finalement, j'avais plus de Graal était atteint. Voilà. En tout cas, le Graal pour moi. L'autre, c'est que en fait, ce morceau, il y a une anecdote amusante. Alors les fans de Led Zeppelin vont me détester, donc je leur conseille de s'éloigner du poste. Il y a une anecdote amusante avec ce morceau qui nous dit un truc assez étonnant sur le cerveau. Dans ce morceau, la pédale de la grosse caisse de batterie grince. Et c'est quelque chose qui est très difficile à entendre si on le sait pas. Moi, j'avais écouté ce morceau pendant des années sans m'en rendre compte. Et un jour, un copain me dit « Mais si, la pédale de grosse caisse grince, écoute. » Et je finis par effectivement percevoir ce son très aigu au moment, une fraction de seconde avant que la grosse caisse tape à chaque fois. Et à partir du moment où on a entendu ce son, c'est impossible de s'en détacher. Et maintenant, chaque fois que j'entends le morceau, je n'entends que ça. Donc, c'est assez fascinant sur la capacité qu'a notre cerveau à filtrer les fréquences et à nous faire entendre ce qu'il a envie de nous faire entendre. Bon, je confirme que vous allez sans doute vous faire détester par beaucoup de gens. Vous avez pris le risque. On va continuer, si vous voulez bien, David Loapre, d'explorer quelques énigmes de la science, quelques problèmes qui résistent, des problèmes qu'on appelle ouverts. Il y en a un dont on a souvent parlé à cette émission, mais on va y revenir en le regardant avec vos propres yeux. C'est celui de la matière noire et celui de l'énergie noire. Et c'est des problèmes qui n'ont rien à voir. Ouais. Sauf que tous les deux s'appuient sur l'idée que les équations de la gravitation sont les bonnes. Celles que nous avons sont les bonnes. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors déjà, il faut bien avoir en tête que ces deux problèmes qui, déjà du point de vue de l'histoire, sont un petit peu différents. Hein. Le problème de la matière noire, disons, trouve ses origines dans les années 20, les années 30. La question de l'énergie noire est beaucoup plus récente. Donc le problème de la matière noire, c'est quoi ? C'est dû au fait qu'on fait certaines observations astronomiques, on regarde la manière dont les galaxies se déplacent au sein des amas de galaxies, et on se rend compte qu'elles se déplacent pas comme elles devraient. C'est-à-dire que normalement, le mouvement des galaxies, on doit à peu près pouvoir le calculer, par exemple leur vitesse, en fonction de la matière contenue dans l'amas de galaxies. Et la matière contenue dans l'amas de galaxies, on pense qu'on arrive à l'estimer correctement en observant les étoiles et à déduire donc la masse lumineuse qui se trouve là. Et ce qu'a constaté le premier Fritz Wicki, donc dans les années 20, début des années 30, c'est que les galaxies semblaient se déplacer d'une manière qui n'était pas cohérente avec ce qu'on observait en matière lumineuse. Et donc il a proposé que peut-être il y avait dans ces amas de galaxies tout un tas de matières qu'on n'arrivait pas à voir. Et donc il appelait la matière sombre, alors on peut le traduire de manière différente. Et puis ce mystère est resté et s'est même épaissi puisque quelques dizaines d'années plus tard, l'astronome Vera Rubin a montré qu'en fait le problème existait même au sein des galaxies, c'est-à-dire que quand on regardait la manière dont les galaxies tournaient sur elles-mêmes, la manière dont elles tournaient n'était pas cohérente avec la quantité de matière qu'elles semblaient contenir d'après ce qu'on était capable de mesurer à partir de la lumière qu'elles émettaient. Et donc ce problème de la donc qu'on appelle le problème de la matière noire. Enfin, à l'époque, on parlait de matière sombre parce qu'on pensait que c'est de la matière ordinaire mais froide, donc incapable d'émettre de la lumière. Voilà, donc ça intriguait pas trop. Ouais, il y a eu plusieurs hypothèses. C'est vrai qu'initialement, on s'est dit bon, c'est probablement parce qu'on connaît des corps qui peuvent être lourds et qui n'émettent pas de lumière. Hein. Bon, il y a l'exemple des étoiles à neutrons ou des trous noirs. Donc ça a été une hypothèse plutôt raisonnable de dire que c'était finalement de la matière ordinaire. Simplement, elle était dans un état qui faisait qu'elle n'émettait pas de lumière et donc on la voyait pas. Et puis le mystère s'est épaissi parce que, notamment à partir d'un certain nombre d'observations qui sont liées au rayonnement du fond diffus cosmologique, donc c'est en quelque sorte l'écho du Big Bang qu'on mesure à travers un rayonnement de micro-ondes, on a pu se rendre compte que cette matière noire, ça pouvait pas être de la matière ordinaire. Alors dans un sens assez précis qui est que c'était la matière qui ne devait pas interagir, en tout cas en partie, avec les ondes électromagnétiques. Et donc ça disqualifiait le fait de dire que ça pouvait être des étoiles à neutrons ou des trous noirs. Et aujourd'hui, on sait toujours pas ce que peut être cette mystérieuse matière. Alors il y a en quelque sorte deux grandes écoles. Une partie des gens, la majorité des gens pensent qu'il doit exister une forme de matière, des types de particules qu'on n'a pas encore découvert, qui ont ces propriétés-là, c'est-à-dire que bah voilà, ils interagissent pas avec les ondes électromagnétiques. Et donc on construit un certain nombre d'expériences pour essayer de détecter cette mystérieuse matière par pour l'instant, on n'a rien vu. Pour l'instant, on n'a rien vu. Pourtant, il y en a quelques-unes de ces expériences. Et puis il y a une approche un peu radicalement opposée qui consiste à dire que bah, peut-être simplement les équations de la gravitation qu'on utilise et qui nous disent que les galaxies ne tournent pas comme elles devraient, peut-être simplement les équations sont fausses. Alors c'est un peu provocateur parce que les équations, on les connaît depuis longtemps, elles marchent très très bien, donc pour dire que... Elles ont permis de prédire les ondes gravitationnelles. Par exemple, les ondes gravitationnelles. Détectées récemment. Et donc pour avoir le culot de dire que les équations peuvent être fausses, il faut quand même des preuves solides. Alors il y a quand même un argument qui est intéressant, c'est que il suffirait de modifier ces équations. Pour que ça marche, il suffirait de modifier ces équations dans le cas des champs gravitationnels extrêmement faibles. Alors, la relativité générale, notamment, c'est une théorie qui a sa spécificité, c'est de différer notamment de la gravité de Newton dans les champs plutôt forts. Trous noirs, etc. Voilà, des champs extrêmes comme ce qui peut se passer autour des trous noirs, ou par exemple pour la planète Mercure qui est très proche du Soleil. Et là, une des propositions qui a été faite, et donc qu'on appelle parfois la théorie monde, alors c'est pour Modified Newtonian Dynamics, c'est de dire que ça se trouve les équations seraient différentes quand les champs gravitationnels sont extrêmement faibles. Et ça, bah, c'est pas absurde pour une raison qui est que on n'a jamais vraiment testé expérimentalement la gravité, la force de gravité dans le cas de champs très faibles. Là, on est dans des champs qui sont tout de suite relativement élevés parce qu'il y a la Terre, etc. Et c'est envisageable d'imaginer que la gravité puisse être différente de ce qu'on imagine dans les champs très faibles. Donc, si je comprends bien, David Loapre, il y a des observations sur le mouvement des étoiles dans les galaxies ou le mouvement des galaxies dans les amas de galaxies. Ouais. Ce mouvement n'est pas conforme à ce que prédisent les équations de la gravitation. Voilà. Il y a deux solutions. Soit on dit qu'il y a de la matière qu'on ne voit pas, faite de particules que nous n'avons pas identifiées. Absolument. C'est une sorte de solution ontologique. On dit qu'il y a des choses dans l'univers qu'on ne voit pas, mais qui doivent exister pour résoudre ce problème. Voilà. Ou bien on dit que c'est la loi qu'il faut changer, une solution législative. On trouve de nouvelles équations qui permettent de rendre compte des mêmes observations sans avoir à invoquer la matière noire et peut-être l'énergie noire dont vous allez nous parler. Oui, alors donc l'énergie noire, c'est un problème un petit peu différent, enfin même qu'est-ce assez différent. Qu'est-ce qu'elle a de noir d'ailleurs? Bah, la noire, que en fait c'est essentiellement qu'on ne sait pas ce que c'est. Alors on lui a collé l'adjectif noir. Personnellement, je pense qu'il y a un petit peu de marketing derrière ça, c'est-à-dire que comme c'est facile d'avoir des financements pour chercher de la matière noire, parce que ça paraît être un gros problème irrésolu, je pense que voilà, on a profité. Enfin, il n'y a qu'en français qu'on dit noir, hein. En anglais c'est dark. Oui, c'est dark, donc c'est plutôt sombre. Dark energy, dark matter. C'est vrai que la traduction noire par rapport à sombre est discutable. Et même d'ailleurs dans le cas de la matière noire est encore plus discutable, on devrait plutôt parler de matière transparente, puisqu'on a dit qu'elle n'interagissait pas avec les ondes électromagnétiques. Donc cette fameuse énergie noire ou énergie sombre, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un problème un peu différent qui n'est pas lié au mouvement des galaxies, mais au mouvement de l'univers dans son ensemble, ou plutôt la manière dont l'univers se dilate. Ce qu'on a longtemps pensé, et c'est basé à la fois sur des observations astronomiques et puis sur les équations de la théorie de la relativité générale d'Einstein, c'était que l'univers était en expansion, mais que cette expansion ne pouvait être que décélérée. Alors on pourrait imaginer qu'il continue éternellement en expansion, mais en s'étendant de moins en moins vite, donc en décélérant, voire carrément qu'il puisse repartir en contraction. Mais voilà, on s'imaginait qu'il y avait que ces deux... Enfin, d'après les équations, il n'y avait que ces deux solutions-là. Et puis, coup de tonnerre, à la fin des années 90, on fait des observations astronomiques qui nous montrent qu'en fait, l'univers serait en expansion accélérée. Donc ça, c'est assez étonnant. Ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche dans les équations qu'on utilisait. Et en fait, la solution d'un point de vue théorique pourrait venir d'une petite modification des équations d'Einstein, que, pour la petite histoire, Einstein avait lui-même envisagé un moment à l'époque où il était justement pas trop d'accord avec cette idée d'un univers qui ne serait pas statique. Et en modifiant les équations d'Einstein de cette manière-là, on pourrait avoir une théorie qui serait compatible avec une expansion accélérée de l'univers. Alors on pourrait s'arrêter là et se dire, bah, très bien, il faut changer les équations. Et ce qui est intriguant, c'est que ce changement des équations, en fait, il se fait exactement de la même manière que ce qu'on aurait si le vide avait une énergie. C'est-à-dire que si le vide avait une énergie, il produirait exactement ce type de changement dans les équations. Et donc, on a envie de se dire, c'est quoi, est-ce que le vide a une énergie? C'est quoi cette énergie du vide? Est-ce qu'on peut la calculer? Est-ce qu'on peut la comprendre? Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que on a justement une solution toute faite à ce problème, ce qui est que si on regarde la théorie de la mécanique quantique, donc plutôt du côté de l'infiniment petit, cette théorie nous dit que, pas de problème, le vide en mécanique quantique, en théorie quantique des champs, le vide doit avoir une énergie. Donc là, on pourrait se dire, super, on a d'un côté des observations astrophysiques qui nous disent qu'il semblerait que le vide ait une énergie, de l'autre côté, une explication théorique au niveau microscopique qui nous dit, oui, pas de problème, le vide a une énergie. Le seul problème, c'est pas le même vide. Si on fait le calcul, on trouve que l'énergie du vide prédite par la mécanique quantique est 10 puissance 120 fois trop élevée par rapport à ce qu'on observe. 10 puissance 120, ça fait quand même une sacrée erreur. Et donc, on a un problème. Mais là, on fait un transfert de concept, parce que le vide de la mécanique quantique, c'est pas du tout le même que celui de la relativité générale. Donc, on fait comme si les théories parlaient de la même chose, alors que leurs concepts sont différents. Alors voilà. Il y a des débats sans fin entre les physiciens. Moi, j'avoue que je penche plutôt sur l'école qui consiste à dire que, en fait, il n'y a pas d'énergie du vide, il y a juste une constante dans les équations, qui s'appelle la constante cosmologique. Voilà, Einstein l'a introduite en 1917. Qui, en plus, on a une bonne raison de l'introduire, ce qui est que, en fait, souvent, les physiciens théoriciens font ça, il y a souvent des principes de symétrie qui les conduisent à imaginer la forme des équations. Et donc, le fait d'ajouter cette constante-là dans la théorie, finalement, est assez naturel. Voilà. Moi, je penche plutôt, mais ça, c'est juste mon avis personnel et celui d'autres physiciens, hein, vers l'idée que, on a une constante dans la théorie, il faut arrêter de chercher cette énergie comme si c'était... En fait, ce que je reproche un peu, c'est qu'on a parfois tendance à parler de cette énergie noire comme si c'était une espèce de substance qu'il fallait découvrir. Et donc, on a envie de dire, il n'y a qu'à faire des expériences pour trouver cette substance. Mais si on la connaît déjà, ça ne marche plus. Donc, personnellement, je ne suis pas hyper fan, même si je l'utilise du terme d'énergie noire. Je préfère parler de la constante cosmologique, et ça peut dire j'ai raison, mais... France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, David Louapre, on a parlé là de quelques exemples de... Il y en a bien d'autres dans votre livre, mais on en a évoqué quelques-uns, des énigmes, des casse-têtes, des problèmes ouverts de la physique ou bien d'autres sciences. Et je voudrais qu'on termine par le mystère. Enfin, c'est peut-être un mystère, c'est peut-être pas une énigme. C'est la question de l'origine de l'univers. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on est capable, ou qu'on sera capable de démontrer que l'univers a eu une origine? Une origine au sens propre du terme, c'est-à-dire dire qu'il a été précédé par du néant. Parce que si on dit l'origine de l'univers, c'est ceci ou cela... On repousse le problème. Non, on prononce une phrase qui est auto-contradictoire, puisque... Si cette chose qu'on met en amont a toujours été là, c'est qu'il n'y a pas d'origine. Et si elle n'a pas toujours été là, c'est qu'elle n'est pas l'origine. Ouais. J'avoue que quand on parle du Big Bang, en général, on dit bah, c'est l'origine de l'univers, ouais, telle que les physiciens la conçoivent. Or, depuis 50 ans, il y a des travaux, auxquels d'ailleurs vous-même vous avez participé, sur la gravité quantique, qui montrent que la relecture du Big Bang à partir des concepts de la physique contemporaine oblige à changer son statut. Ouais. Alors déjà, je pense qu'il y a, une chose qui est importante de préciser, c'est qu'il y a un peu une confusion sur cette idée de Big Bang. C'est-à-dire que si on prend les équations et qu'on les applique de manière littérale sans trop se poser de questions, les équations nous disent, l'univers a eu un début. Il y a une sorte de point zéro. Il faut préciser les équations d'Einstein. Les équations d'Einstein, oui, pardon. Qui ne décrivent que la gravitation. Voilà. Et donc, si on prend littéralement les équations d'Einstein, on arrive à cette conclusion un peu étonnante. Et ce qui est important de dire, c'est qu'on sait pertinemment que, au moment où on arrive quand on remonte le film de l'univers, quand on arrive dans cette période où l'univers était très chaud, très dense, voire extrêmement dense, on sait que les équations d'Einstein sont fausses, ou probablement qu'il faut les modifier pour prendre en compte de nouveaux phénomènes. Elles sont incomplètes. Et qu'elles sont incomplètes. Et donc, dans cette espèce de démarche qui consiste à dire on rembobine le film de l'univers jusqu'au point zéro, en fait, on commet une escroquerie qui consiste, en fait, on n'a pas le droit d'aller jusqu'au point zéro. Et à un moment donné, il faudrait qu'on s'arrête parce que, qu'on a vu notre ignorance. On peut le faire mathématiquement, mais physiquement, ça devient faux parce qu'on décrit pas tous les phénomènes qui se produisent. Voilà, exactement. Et donc, l'idée d'instant zéro, c'est pas une idée qui est conforme à ce qu'on sait aujourd'hui ce que nous disent l'état actuel de la science. Et il y a un peu une confusion parce que, on utilise parfois le terme Big Bang pour désigner l'instant zéro, alors que les physiciens ont plutôt tendance à utiliser le terme Big Bang pour désigner le scénario, c'est-à-dire ce qui nous a conduit à aujourd'hui, donc toutes les étapes par lesquelles est passé l'univers. Donc moi, alors effectivement, j'ai travaillé sur justement, alors pour essayer de percer ce mystère, ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de combiner les équations de la relativité générale et de la mécanique quantique, ce que pas grand monde, enfin personne ne sait faire aujourd'hui. Pour décrire toutes les forces en même temps, les forces nucléaires, pour essayer d'unifier, absolument, et la gravitation en même temps, puisque les particules à ce moment-là subissent toutes les forces. Et cette unification, alors ce qu'on appelle un peu pompeusement la théorie du tout, c'est pareil, c'est un terme que j'aime pas trop, qui est un peu prétentieux, ça permettrait peut-être de mieux comprendre ce qui s'est passé à cette période-là. Et donc il existe un certain nombre de théories qui s'affrontent. Alors moi j'ai travaillé dans cette théorie qui s'appelle la gravité quantique à boucle, dont certaines prédictions seraient que il est possible que finalement cet instant zéro n'existe pas, mais soit pas un moment de naissance de l'univers, mais plutôt un instant de rebond d'un éventuel univers précédent qui rebondit sur lui-même quand sa taille devient petite. Devient petite, il y aura une sorte de taille minimum. Alors on pourrait imaginer comme un ballon qui se dégonfle, et puis quand il arrive à un certain stade de son dégonflement, il se met à se regonfler. Et je suis bien d'accord, si on dit donc ça... Donc le Big Bang change complètement de statut, c'est plus l'explosion originelle, c'est un rebond. Voilà, c'est un rebond. Et qui donc, a été précédé par une contraction. Voilà, et alors si on fait ça, on déplace un peu la question, parce qu'on se dit, du coup, Qu'est-ce qu'il y avait avant? Est-ce qu'on peut le comprendre? Certaines théories, en fait, vont plutôt vers l'idée que peut-être il y a eu quelque chose avant, mais que toute l'information disponible aurait été en quelque sorte effacée au moment du rebond. Donc peut-être qu'on arrivera un jour à conclure qu'il y avait quelque chose avant, mais qu'on n'aura jamais les moyens de comprendre. Mais ce qui est étonnant, c'est ce que vous dites à propos de la théorie que vous avez, sur laquelle vous avez travaillé, la théorie de la gravité quantique à boucle, comme on l'appelle. Quand on prend d'autres théories qui lui font concurrence, comme la théorie des supercordes, on a le même type de conclusion. C'est-à-dire que le Big Bang n'est plus une singularité avec un instant zéro, mais c'est une sorte de transition de phase. On parle de théorie de pré-Big Bang, etc. Ouais. Et donc, l'idée d'origine, prend du plomb dans l'aile, quand même. Oui. Et finalement, c'est assez naturel, puisque l'idée de singularité, elle est pas très, très, on est généralement pas très à l'aise avec elle. Donc, finalement, il y a un côté un peu rassurant à se dire qu'on a un peu évacué le problème en le déplaçant, et en imaginant qu'il y a effectivement quelque chose avant. Alors David Loapre, nous approchons de la fin de cette émission. J'aurais une question personnelle à vous poser. Vous êtes jeune, donc vous avez la vie devant vous. Quelles sont, parmi les questions que nous avons discutées, ou d'autres qui sont dans votre livre et qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, celles dont vous aimeriez avoir la réponse avant de disparaître? qui vous agace le plus? La première, ça serait celle qu'on vient d'évoquer, la question de la gravité quantique et de ce qu'il a pu se passer avant le Big Bang, puisque c'est des sujets sur lesquels j'ai travaillé. Et vous pensez qu'on va progresser rapidement? Est-ce qu'on pourra faire des expériences qui permettront de dire si c'est telle théorie plutôt que telle autre qui est valable quand les conditions d'énergie des particules sont inaccessibles aux Les expériences vont être difficiles, c'est-à-dire que les expériences de laboratoire vont être difficiles, même dans des accélérateurs, parce qu'il faut des énergies très élevées. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise sur une observation astrophysique, mais ça risque d'être difficile. Sinon, pour prendre par exemple un problème, par exemple la question du vieillissement. Qu'on n'a pas évoqué, mais qui est dans votre livre. Pourquoi est-ce qu'on vieillit? Ça vous turlupine déjà. Ah bah. Pourquoi est-ce qu'on vieillit? C'est que ça reste la première cause de mortalité d'une certaine manière. Et on comprend pas pourquoi. Et surtout, ce qui est fascinant, c'est que visiblement, il y a des animaux qui ne vieillissent pas. Donc, c'est un peu comme le sommeil. C'est, on a l'impression qu'on pourrait s'en affranchir. Et comment? Un mystère. Merci David Loapre d'être venu à la conversation scientifique. Grâce à vous, on comprend que comprendre ce qu'on ne comprend pas suppose de comprendre beaucoup de choses. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Valérie Lavalard et à la réalisation François Connac.